we gonna do now? Trois déserts à traverser encore, et une pendaison à réussir d'abord. Mais quelle étrange pensée! Se fue. A la próxima, Raúl. Nos vemos.